Chapitre 3. Recherche et évocation. Charles Ward, nous l'avons déjà vu, apprit pour la première fois en 1918 qu'il descendait de Joseph Curwen. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait manifesté aussitôt un très vif intérêt pour cette mystérieuse affaire, puisque le sang du sorcier coulait dans ses veines. Aucun généalogiste digne de ce nom n'aurait pu faire autrement que se mettre à rechercher aussitôt les moindres renseignements ayant trait au sinistre marchand. Au début, il n'essaya pas de dissimuler la nature de son enquête. Il en parlait librement avec sa famille, bien que sa mère ne fût guère satisfaite d'avoir un ancêtre comme Joseph Curwen, et avec les directeurs des musées et des bibliothèques où il poursuivait ses recherches. Il usa de la même franchise auprès des familles qui possédaient certains documents et partagea leur scepticisme amusé à l'égard des auteurs des lettres et des journaux intimes qu'il consulta. Il reconnut maintes fois qu'il aurait donné cher pour savoir ce qui s'était passé, 150 ans auparavant, à la ferme de la route de Pawtuxet, dont il avait essayé vainement de trouver l'emplacement, et ce que Joseph Curwen avait été en réalité. Quand il eut découvert la lettre de Jedediah Horne dans les archives Smith, il décida de se rendre à Salem, et il réalisa ce projet aux vacances de Pâques de l'année 1919. On le reçut fort aimablement à l'Essex Institute, où il put glaner plusieurs renseignements sur son ancêtre. Joseph Curwen était né à Salem Village, aujourd'hui d'Anvers, à 7 miles de la ville à 7 miles de la vieille cité puritaine, où s'amoncellent les pignons pointus et les toits en croupe, le 18 février 1662. À l'âge de 15 ans, il avait fui la maison paternelle pour prendre la mer. 9 ans plus tard, il était revenu s'installer dans la ville de Salem, où l'on observa qu'il avait les manières, les vêtements et le langage d'un Anglais. À partir de cette époque, il consacra presque tout son temps aux curieux livres rapportés par lui d'Europe et aux étranges produits chimiques qui lui venaient d'Angleterre, de France et de Hollande. Plusieurs expéditions qu'il fit à l'intérieur du pays suscitèrent beaucoup de curiosité, car elles coïncidaient, murmurait-on, avec l'apparition de feux mystérieux sur les collines au cœur de la nuit. Ses seuls amis intimes étaient Edward Hutchinson, de Salem Village, et Simon Horne, de Salem. Hutchinson possédait une maison presque à l'orée des bois, et sa demeure déplaisait beaucoup à plusieurs personnes en raison des bruits nocturnes qu'on y entendait. On disait qu'il recevait des visiteurs étranges, et des lumières qu'on voyait à ses fenêtres n'avaient pas toujours la même couleur. En outre, il manifestait des connaissances surprenantes au sujet de personnes mortes depuis longtemps et d'événements très lointains. Il disparut au début de la persécution des sorcières. À ce même moment, Joseph alla s'installer à Providence. Simon Horne vécut à Salem jusqu'en 1720, année où les gens commencèrent à s'étonner de ne jamais le voir vieillir. Lui aussi disparut. Mais 30 ans plus tard, un homme qui était sa vivante image et prétendait être son fils vint revendiquer la possession de ses biens. Satisfaction lui fut accordée sur la foi de certains papiers manifestement rédigés et signés par Simon Horne. Jedediah Horne continua à vivre à Salem jusqu'en 1771, date à laquelle le révérend Thomas Barnard et quelques autres, après avoir reçu des lettres de citoyens de Providence, le firent disparaître à jamais. Ward trouva plusieurs documents concernant ses curieuses affaires à l'Essex Institute, au palais de justice et aux grèves de l'état civil. À côté de titres de propriété et d'actes de vente, il y avait des fragments de nature beaucoup plus troublantes. 4 ou 5 allusions parfaitement nettes figuraient sur les comptes rendus du procès des sorcières. Ainsi, le 10 juillet 1692, Hepzibah Lawson jura devant un tribunal présidé par le juge Hadborn que 40 sorcières et l'homme noir avaient coutume de se réunir dans les bois derrière la maison de Mr. Hutchinson. Le 8 août de la même année, Amity Howe déclara au juge Gedney que Mr. Gaby, cette nuit-là, posait la marque du diable sur Bridget S. Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Mehitable C. et Deborah B. Il y avait encore un catalogue de la sinistre bibliothèque de Hutchinson et un manuscrit de lui inachevé, rédigé dans un langage chiffré que personne n'avait pu lire. Ward en fit faire une copie photographique et se mit en devoir de la déchiffrer, d'abord de façon intermittente, puis avec fièvre. D'après son attitude, on peut conclure qu'il en trouva la clé en octobre ou en novembre, mais il ne dit jamais s'il avait réussi ou non. Les documents concernant Horn offrirent un grand intérêt dès le début. En peu de temps, Ward fut à même de prouver, d'après l'identité des écritures, une chose qu'il considérait comme établie d'après le texte de la lettre adressée à Kerwin, à savoir que Simon Horn et son prétendu fils n'étaient qu'une seule et même personne. Comme Horn l'avait dit à son correspondant, il était dangereux de vivre trop longtemps à Salem. C'est pourquoi il s'en était allé séjourner pendant 30 ans à l'étranger, pour venir ensuite revendiquer ses terres en qualité de représentant d'une nouvelle génération. Il avait apparemment pris soin de détruire la majeure partie de sa correspondance, mais les citoyens de Salem, qui le firent disparaître en 1771, découvrirent et conservèrent certains papiers surprenants. Formules et diagrammes cryptiques tracés de sa main, ainsi qu'une lettre mystérieuse dont l'auteur, étant donné son écriture, ne pouvait être que Joseph Kerwin. Bien que cette épître ne fût pas datée, Charles Ward, en se basant sur certains détails, la situa vers 1750. Nous en donnons ci-dessous le texte intégral. Elle est adressée à Simon Horn, mais quelqu'un a barré ce prénom. Providence, le 1er mai. Frère, mon vieil et respectable ami, tous mes respects et vœux les plus fervents à celui que nous servons pour votre puissance éternelle. Je viens de découvrir ce que vous devriez savoir au sujet de la dernière extrémité et de ce qu'il convient de faire à son propos. Je ne suis point disposé à vous imiter et à partir à cause de mon âge, car Providence ne s'acharne point comme Salem à pourchasser les êtres hors du commun et les traduire devant les tribunaux. J'ai de gros intérêts sur terre et sur mer, et je ne saurais agir comme vous le fîtes. Outre cela, ma ferme de Pawtuxet a sous le sol, ce que vous savez, qui n'attendrait pas mon retour sous une autre forme. Mais, ainsi que je vous l'ai dit, je suis prêt à subir des revers de fortune, et j'ai longtemps étudié la façon de revenir après le suprême coup du sort. La nuit dernière, j'ai découvert les mots qui évoquent Yogesotos, et j'ai vu pour la première fois ce visage dont parle Ibn Shabashak dans le... Il m'a dit que la clé se trouve dans le 3e psaume du Liber d'Amnatus. Le soleil étant dans la 5e maison et Saturne en trine, tracez le pentagramme de feu et récitez par 3 fois le 9e verset. Répétez ce verset le jour de la Sainte Croix et la veille de la Toussaint, et la chose sera engendrée dans les sphères extérieures. Et de la semence d'autrefois naîtra celui qui regardera en arrière sans savoir ce qu'il cherche. Cependant, ceci ne servira à rien s'il n'y a point d'héritier et si l'aisselle ou la façon de fabriquer l'aisselle ne se trouve pas prêt pour lui. Et ici, je dois le reconnaître, je n'ai pas pris les mesures nécessaires et n'ai pas découvert beaucoup. Le procédé est difficile à atteindre et il fait une telle consommation de spécimens que j'éprouve de grandes difficultés à en obtenir suffisamment malgré les marins qui me viennent des Indes. Les gens d'ici deviennent curieux, mais je puis les tenir à l'écart. Les bourgeois sont pires que la populace, car ils agissent de façon plus subtile et on croit davantage à leurs paroles. Le pasteur et Mr. Merritt ont trop parlé, je le crains, mais jusqu'à présent, rien ne semble dangereux. Les substances chimiques sont faciles à trouver, car il y a 2 bons chimistes dans la ville, le Dr. Bowen et Sam Cario. Je suis les instructions de Borellus, et je trouve grand secours dans le 7e livre d'Abdul al-Hazred. Quoi que j'obtienne, vous le recevrez. En attendant, ne négligez pas d'utiliser les mots que je vous ai donnés. Si vous désirez le voir, ayez recours à ce qui est écrit sur le feuillet que je mets dans ce paquet. Dites les versets chaque veille de Toussaint ou du jour de la Sainte Croix. Et si votre lignée ne s'éteint pas, dans les années futures, viendra celui qui regardera en arrière et utilisera les selles que vous lui laisserez. Job 19, 14. Je me réjouis de vous savoir de retour à Salem. Et j'espère vous voir d'ici peu. J'ai un bon étalon et je me propose d'acheter une voiture, encore que la route soit mauvaise. Si vous êtes disposé à voyager, ne manquez point de venir me voir. Prenez à Boston la malle-poste qui passe par Dedham, Wrentham et Attleboro, toute ville où vous trouverez d'excellentes tavernes. Entrez à Providence par les chutes de Pawtucket. Ma maison est située en face de la taverne de Mr. Epinetus Olney. C'est la première du côté nord d'Olney Court. Monsieur, je suis votre fidèle ami et serviteur en allemand saint Métatron. Josephus Kerwin. À Mr. Simon Horn, Williams Lane, Salem. Chose curieuse, Cette lettre fut le premier document qui fournit à Charles Ward l'emplacement exact de la maison de Carwen. La découverte était doublement frappante car la bâtisse à laquelle elle faisait allusion, à savoir la maison neuve construite en 1761 à la place de l'ancienne, était une vieille demeure délabrée encore debout dans Olney Court et que le jeune archéologue connaissait fort bien. Elle se trouvait à peu de distance de sa propre maison, sur la partie haute de Stamper's Hill, et servait à présent de logis un couple de nègres qui faisaient des lessives ou des ménages. Ward résolut d'aller visiter ce lieu dès son retour de Salem. Les parties mystiques de la lettre, dans lesquelles il crut déceler un symbolisme extravagant, le déconcertèrent totalement. Néanmoins, il remarqua, en frémissant de curiosité, que le passage de la Bible mentionné par Kerwen, Job 19,14, était le verset bien connu « Si un homme meurt, revivra-t-il ? Pendant tout le temps qui me sera loué, j'attendrai jusqu'à ce que vienne mon remplacement. » Le jeune Ward regagna Providence dans un état d'agitation fort agréable, et il passa le samedi suivant à examiner en détail la maison d'Olney Court. Cette demeure délabrée était une modeste bâtisse de 2,5 étages, de style colonial, au toit pointu, à la grande cheminée centrale, à l'entrée artistiquement sculptée, surmontée d'une fenêtre en demi-cercle, au fronton triangulaire soutenu par des colonnes doriques. Elle n'avait pas beaucoup souffert des atteintes du temps à l'extérieur, et Ward sentit qu'il contemplait une chose touchant de près le sinistre objet de sa quête. Il connaissait fort bien les habitants du logis et fut courtoisement reçu par le vieil Asa et sa femme Anna. L'intérieur de la maison avait beaucoup changé. Ward constata à regret que la moitié des beaux dessus de cheminée et des sculptures des armoires avaient disparu, tandis que les boiseries et les moulures des panneaux des portes étaient presque toutes rayées, déchiquetées ou recouvertes de tapisseries bon marché. D'une façon générale, cette visite n'apporta pas à Ward les révélations auxquelles il s'était attendu, mais il se sentit très ému de se trouver à l'intérieur des murs qui avaient abrité un homme aussi terrible que Joseph Kerwen. Il frissonna en voyant qu'on avait soigneusement fait disparaître en monogramme sur le vieux heurtoir en cuivre de la porte. À partir de ce moment, il consacra tout son temps à étudier la copie du manuscrit chiffré de Hutchinson et les divers papiers concernant l'affaire Kerwen. Le manuscrit demeura indéchiffrable, mais dans les autres documents, le jeune archéologue trouva des indications si précieuses qu'il entreprit un voyage à New London et à New York pour consulter des lettres dont la présence dans ces villes était mentionnée. Cette expédition fut très fructueuse. En effet, elle lui apporta la correspondance de Luke Fenner, décrivant l'attaque de la ferme de Pawtuxet Road, et la correspondance Nightingale Talbot, qui lui révéla l'existence du portrait peint sur le panneau de la bibliothèque de Kerwen. Ce dernier détail l'intéressa particulièrement, car il l'aurait donné beaucoup pour savoir quel était le visage de son ancêtre, et il décida d'effectuer une seconde inspection de la maison d'Olney Court afin d'essayer de trouver trace de son image sous des couches de peinture ou de tapisserie. Il commença ses recherches au début d'août et il examina soigneusement les murs de toutes les pièces assez spacieuses pour avoir pu servir de bibliothèque. Au bout d'une heure, au-dessus de la cheminée d'une vaste salle du rez-de-chaussée, il s'aperçut qu'une assez grande partie du mur était recouverte de plusieurs couches de peinture qui, aux endroits où elle s'écaillait, révélaient une surface sensiblement plus sombre que ne l'était celle du bois au-dessous. Après avoir utilisé avec précaution un couteau à lame très mince, Ward comprit qu'il venait de découvrir un grand portrait à l'huile. Craignant de l'endommager, en essayant de détacher lui-même les couches de peinture, il quitta la maison pour se mettre en quête d'un expert. 3 jours plus tard, il revenait avec un artiste expérimenté, Mr. Walter Dwight, qui se mit aussitôt à l'œuvre en utilisant les méthodes et les produits chimiques adéquats. Le vieil Asa et sa femme manifestèrent une grande agitation pendant toute la durée du travail et reçurent une certaine somme d'argent en dédommagement de cette invasion de leur domicile. À mesure que la restauration s'effectuait, jour après jour, Charles Ward regardait avec un intérêt croissant les contours et les couleurs apparaître graduellement. Dwight ayant commencé par le bas, le visage resta caché jusqu'à la fin. En attendant, on put voir que le modèle était un homme maigre et bien fait, vêtu d'un habit bleu sombre, d'un gilet brodé, de culottes courtes en satin noir, de bas de soie blanche, assis dans un fauteuil sculpté, sur un arrière-plan de quai de navire. Lorsque la tête apparut, Ward et l'artiste constatèrent que cette figure maigre et pâle, surmontée d'une perruque, leur semblait vaguement familière. Mais après le dernier bain d'huile et l'ultime coup de grattoir, l'artiste et son client restèrent béants de stupeur, car le visage de Charles Dexter Ward était l'exacte réplique de celui de son terrible aïeul. Le jeune homme montra à ses parents la merveille qu'il avait découverte, et son père décida aussitôt d'acheter le portrait. Mrs. Ward, qui présentèrent fort peu de traits communs avec Joseph Kerwin, ne sembla pas trouver cette peinture à son goût, et conseilla son mari de la brûler, car elle avait quelque chose de malsain, non seulement en elle-même, mais encore en raison de son extraordinaire ressemblance avec Charles. Mais Mr. Ward, riche propriétaire de manufacture de coton dans la vallée de Pawtuxet, était un homme à l'esprit pratique et fit la sourde oreille. Le portrait lui plaisait beaucoup, et il estimait que son fils méritait de le recevoir comme cadeau. Naturellement, Charles partagea cette opinion. Quelques jours plus tard, Mr. Ward alla trouver la propriétaire de la maison et lui acheta pour un bon prix le panneau portant le portrait et le dessus de cheminée qu'il dominait. Il ne restait plus qu'à enlever la précieuse boiserie et à la transporter chez les Ward, où on l'installerait dans le bureau de Charles, au troisième étage, au-dessus d'une fausse cheminée. Le 28 août, le jeune homme conduisit deux habiles ouvriers décorateurs à la maison d'Honey Court, où, sous sa direction, la besogne s'effectua sans encombre. Dans la maçonnerie de briques masquant le tuyau de la cheminée, Ward observa alors un alvéole cubique d'environ un pied carré qui avait dû se trouver juste derrière la tête du portrait. Il s'approcha pour voir ce qu'il pouvait bien renfermer, et sous un amas de papier jauni couvert de suie et de poussière, il découvrit un gros cahier où étaient encore fixés les restes moisis du ruban qui avait servi à nouer les feuillets. Sur la couverture, le jeune archéologue lut ces mots tracés d'une écriture qu'il avait appris à bien connaître à l'Essex Institute. Journal et notes de Joseph Kerwin, bourgeois de Providence, ex-citoyen de Salem. Bouleversé par sa trouvaille, Ward montra le cahier aux deux ouvriers. Ceux-ci témoignèrent par la suite de l'authenticité de la découverte, et le docteur Willett se basa sur leur déclaration pour affirmer que le jeune homme n'était pas fou au moment où il commença à se conduire de façon très excentrique. Tous les autres papiers étaient également de la main de Kerwin. L'un d'eux avait pour titre « À celui qui viendra après moi » et comment il pourra aller au-delà du temps et des sphères. Un autre était chiffré. Un troisième semblait donner la clé du chiffre. Le quatrième et le cinquième étaient adressés respectivement à Edward Hutchinson, Armiger, et Jedediah Horn, Esquire, ou à leurs héritiers ou à leurs représentants. Le sixième et dernier s'intitulait « La vie et les voyages de Joseph Kerwin entre les années 1678 et 1687. Où il a voyagé, où il a séjourné, qui il a vu et ce qu'il a appris. » Nous sommes arrivés maintenant à la période qui, selon certains aliénistes, marque le début de la folie de Charles Ward. Dès qu'il eut découvert les documents, le jeune homme y jeta un coup d'œil rapide et dut y voir quelque chose qui produisit une violente impression sur lui. En fait, lorsqu'il monta les titres aux deux ouvriers, il prit grand soin de leur dissimuler les textes et manifesta un trouble que le seul intérêt archéologique de sa trouvaille ne suffisait pas à justifier. Rentré chez lui, il annonça la nouvelle d'un air embarrassé, comme s'il voulait donner une idée de son importance sans en produire la preuve. Il ne montra même pas les titres à ses parents. Il se contenta de leur dire qu'il avait trouvé des documents écrits de la main de Joseph Kerwin, presque tous chiffrés, qu'il lui faudrait étudier avec soin avant d'en pénétrer le sens. Il passa toute cette nuit à lire les différents papiers, enfermés dans sa chambre, et le jour venu, il poursuivit sa besogne. Quand sa mère, alarmée, vint s'enquérir de ce qui se passait, il la pria instantanément de lui faire monter ses repas. Au cours de l'après-midi, il fit une courte apparition lorsque les ouvriers vinrent installer le portrait et le dessus de cheminée dans son bureau. La nuit suivante, il dormit par intermittence, tout habillé, et continua à étudier fiévreusement le cryptogramme. Le lendemain matin, sa mère le vit travailler sur la copie photographique du manuscrit Hutchinson, qu'il lui avait souvent montré auparavant. Mais en réponse à une de ses questions, il lui dit que la clé du chiffre de Kerwin ne s'appliquait pas à celui-ci. Dans l'après-midi, Il alla regarder les ouvriers qui achevaient de placer le portrait dans son bureau au-dessus d'une fausse cheminée faite de panneaux de bois disposés à quelque distance du mur nord. On posa une bûche électrique dans l'âtre pour donner l'illusion d'une cheminée réelle. Le panneau où était peint le portrait fut monté sur des charnières, de façon à ménager derrière un espace vide. Quand tout fut fini, Charles Ward transporta son travail dans son bureau et s'installa face au tableau qu'il regardait comme un miroir vieillissant. Ses parents, lorsqu'ils se rappelèrent plus tard sa conduite à cette époque, fournirent des renseignements intéressants sur sa méthode de dissimulation. Devant les domestiques, il cachait rarement les papiers qu'il étudiait, car il estimait à juste titre que l'écriture compliquée de Corwin serait illisible pour eux. À l'égard de ses parents, au contraire, il se montrait beaucoup plus circonspect. Sauf si le manuscrit en cours d'étude était un cryptogramme ou encore une suite de symboles mystérieux, comme celui qui avait pour titre « À celui qui viendra après moi », etc., il le recouvrait d'un papier quelconque jusqu'à ce que son visiteur se fût retiré. La nuit, ou bien quand il quittait la pièce, il enfermait tous ses documents dans un petit cabinet. Il reprit bientôt des habitudes et un emploi du temps normaux, mais il cessa de s'intéresser aux promenades archéologiques. La réouverture de l'école où il devait faire sa dernière année parut l'ennuyer considérablement, et il exprima à maintes reprises sa résolution de ne pas entrer à l'université. Il avait à faire, déclara-t-il, des recherches plus importantes qui lui apporteraient un bagage de connaissances considérables. Ward ayant toujours vécu en savant et en ermite, ses parents ne furent guère surpris de le voir s'enfermer pour travailler jour après jour. Néanmoins, ils jugèrent bizarre qu'il ne leur montra jamais rien de sa merveilleuse trouvaille et ne leur fit part d'aucun fait qu'il aurait pu découvrir dans ses papiers. Il expliqua sa réticence en déclarant qu'il voulait d'abord arriver à une révélation complète, mais à mesure que les semaines passaient sans rien apporter de nouveau, une espèce de gêne s'établit entre le jeune homme et sa famille. Au cours du mois d'octobre, Ward se remit à fréquenter les bibliothèques, mais ce fut pour y consulter uniquement des ouvrages de magie, d'occultisme et de démonologie. Lorsque les ressources de Providence s'avéraient insuffisantes, il prenait le train pour Boston, où il exploitait les richesses de la grande bibliothèque de Copperleigh Square, la Widener Library de Harvard ou la Zion Research Library de Brooklyn, dans laquelle on trouve certains livres rares sur des sujets bibliques. Il acheta plusieurs volumes traitant du surnaturel et pendant les vacances de Noël, il fit plusieurs voyages hors de la ville, y compris une visite à l'Essex Institute de Salem. Vers le milieu de janvier 1920, Ward adopta une attitude triomphale et cessa de déchiffrer le manuscrit Hutchinson. Dès lors, il se consacra à deux activités, l'étude de la chimie et la chasse aux documents officiels. Il installa un laboratoire dans la mansarde de sa maison et consulta toutes les statistiques municipales de Providence. Les marchands de drogue et d'appareils scientifiques, quand on les questionna plus tard, fournirent d'étranges listes, apparemment incohérentes, des produits et des instruments qu'il acheta. Mais les employés de la bibliothèque de la maison du gouverneur et de l'hôtel de ville sont d'accord sur le but de sa deuxième activité. Il cherche avec fièvre la tombe de Joseph Corwin, tâche très difficile, puisque le nom du sorcier avait été effacé à coups de ciseaux sur sa stèle funéraire. Peu à peu, ses parents acquirent la conviction qu'il se passait quelque chose d'anormal. Charles s'était déjà passionné en d'autres temps pour différents sujets d'études, mais cette dissimulation et cette quête ne lui ressemblaient pas. Il ne manifestait plus aucun intérêt pour son travail scolaire, quoiqu'il réussît toujours à passer ses examens. Ou bien il s'enfermait dans son laboratoire avec une vingtaine d'anciens traités d'alchimie, ou bien il examinait les actes de décès du temps passé dans les archives municipales, ou bien encore, il étudiait des livres de sciences occultes dans son bureau, sous le regard impassible du portrait de Joseph Corwin, dont le visage paraissait de plus en plus semblable au sien. À la fin mars, il entreprit une série de promenades dans les vieux cimetières de Providence. Les employés de l'hôtel de ville révélèrent plus tard qu'il avait dû trouver un indice important à ce moment-là. Il ne cherchait plus la tombe de Joseph Corwin, mais celle d'un certain Naftali Field. Ce changement d'intérêt s'expliqua lorsque les enquêteurs, en examinant les dossiers étudiés par Ward, découvrirent un bref compte-rendu de l'enterrement de Corwin, relatant que le curieux cercueil de plomb avait été enseveli à 10 pieds au sud et à 5 pieds à l'ouest de la tombe de Naftali Field dans le... L'absence du nom du cimetière compliquait beaucoup les recherches, mais comme la stèle de Naphtali Field devait être intacte, on pouvait raisonnablement espérer la trouver en visitant plusieurs champs de repos. Ce fut vers le mois de mai que le docteur Willett, à la requête de Mr. Ward, eut une conversation sérieuse avec le jeune homme. Si l'entretien ne fut guère fructueux, car Willett sentit que son interlocuteur était tout à fait maître de lui, il obligea Charles Ward à donner une explication rationnelle de sa conduite récente. Il semblait tout prêt à parler de ses recherches, mais non pas à en révéler l'objet. Il déclara que les papiers de son aïeul contenaient des secrets scientifiques remarquables, pour la plupart rédigés en langage chiffré. Cependant, ils étaient dépourvus de sens, sauf quand on les juxtaposait avec un ensemble de connaissances complètement tombées en désuétude aujourd'hui. Si bien que leur présentation immédiate à un monde uniquement pourvu de sciences modernes leur enlèverait toute leur importance. Pour qu'ils puissent prendre leur place éminente dans l'histoire de la pensée humaine, il fallait les mettre en corrélation avec leur arrière-plan du temps passé, et c'était à cette besogne que Ward se consacrait présentement. Il cherchait à acquérir les arts d'autrefois que devait posséder un interprète consciencieux des documents de Kerwin, et il espérait, en temps voulu, faire une révélation d'un intérêt prodigieux. Quant à ses promenades dans les cimetières, il les expliqua de la façon suivante. Il avait tout lieu de penser que la stèle mutilée de Joseph Kerwin portait encore des symboles mystiques, sculptés d'après certaines instructions de son testament, qui étaient absolument nécessaires à la solution définitive de son système de chiffres. L'étrange marchand avait voulu garder son secret avec soin, et en conséquence, il avait réparti les données du problème de façon très curieuse. Lorsque le docteur Willett demanda à voir les papiers mystiques, Ward manifesta beaucoup de répugnance. Finalement, il lui montra la page de titre du journal et notes, le cryptogramme et le message plein de formules à celui qui viendra après moi. Il ouvrit également le journal à une page soigneusement choisie pour son caractère inoffensif. Le docteur examina avec attention l'écriture presque illisible de Kerwin. La graphie et le style étaient ceux d'un homme du XVIIe siècle, bien que le scripteur eût vécu jusque vers la fin du XVIIIe siècle. Le texte lui-même semblait assez banal, et Willett ne put en retenir qu'un fragment. Mercredi, 16 octobre 1754. Margaret Wayfall est arrivée aujourd'hui de Londres avec X hommes nouveaux enrôlés aux Antilles. Des Espagnols de la Martinique et des Hollandais de Suriname. Les Hollandais menacent de déserter car ils ont entendu dire du mal de ces expéditions, mais je veillerai à les persuader de rester. Pour Mr. Nye Dexter, à l'enseigne du Laurier et du Livre, 220 pièces de Chamblay, 20 pièces de Molleton Bleu, 50 pièces de Calmande. Pour Mr. Green, à l'enseigne de l'Éléphant, 20 bassinoirs et 10 paires de pincettes. Pour Mr. Perrings, un jeu d'Athènes. Pour Mr. Nightingale, 50 rames de papier de première qualité. J'ai récité le sabbat haute 3 fois la nuit dernière, mais rien n'est apparu. Il faut que j'aie d'autres nouvelles de Mr. H. en Transylvanie, bien qu'il soit difficile de l'atteindre, et qu'il me paraisse fort étrange qu'il ne puisse me communiquer l'usage de ce qu'il utilise si bien depuis 300 ans. Simon ne m'a pas écrit depuis 5 semaines, mais j'espère recevoir bientôt une lettre de lui. En arrivant à ce passage, le docteur Willett tourna la page, mais Ward lui arracha le cahier des mains. Le praticien eut à peine le temps de parcourir du regard deux phrases qui, chose bizarre, se gravèrent tenacement dans sa mémoire. Le verset du Liber Damnatus ayant été récité pendant 5 jours de la Sainte Croix et 4 veilles de Toussaint. J'espère que la créature est en train de naître à l'extérieur des sphères. Elle l'attirera celui qui doit venir, si je peux faire en sorte qu'il soit, et il pensera aux choses du passé et regardera en arrière en prévision de quoi je dois tenir en réserve les selles ou de quoi les fabriquer. Pour le docteur Willett, ces mots semblèrent prêter une vague terreur au visage peint de Joseph Kerwin, qui regardait d'un air affable du haut du panneau au-dessus de la cheminée. Il eut l'impression bizarre que les yeux du portrait exprimaient le désir de suivre le jeune Ward, tandis que celui-ci se déplaçait dans la pièce. Avant de se retirer, le praticien s'arrêta pour examiner le tableau de près, s'émerveillant de sa ressemblance avec Charles, et gravant dans sa mémoire les moindres détails du visage blême, jusqu'à une légère cicatrice sur le front au-dessus de l'œil droit. Il décida que Cosmo Alexander était vraiment un grand peintre. Le médecin ayant affirmé que Charles jouissait d'une parfaite santé mentale et que d'autre part, il poursuivait des recherches qui pouvaient être très importantes, les Ward se montrèrent assez indulgents quand leur fils, au mois de juin, refusa catégoriquement de s'inscrire à l'université. Il avait, déclara-t-il, des études plus intéressantes à faire et désirait voyager à l'étranger au cours de l'année suivante afin de se procurer certains documents qui n'existaient pas en Amérique. Le père Ward s'opposa à ce dernier projet qu'il jugeait absurde de la part d'un jeune homme de 18 ans, mais il consentit à ce que son fils abandonnât ses études universitaires. En conséquence, après avoir passé son examen final à l'école Moses Brown, Charles put se consacrer à loisir pendant 3 ans à ses livres occultes et à ses recherches dans les cimetières. Les gens apprirent à le tenir pour un original fieffé, et il cessa presque entièrement de voir les amis de sa famille. Il n'abandonnait son travail que pour aller consulter les archives d'autres villes. Un jour, il partit vers le sud pour conférer avec un vieux mulâtre qui vivait dans un marécage et au sujet duquel un article avait paru dans un journal. Une autre fois, il s'en fut dans un petit village des Adirondacks où il avait entendu dire qu'on célébrait d'étranges cérémonies. Néanmoins, ses parents continuèrent à lui interdire le voyage en Europe qu'il désirait tant faire. Il put réaliser son projet en avril 1923, époque où il atteignit sa majorité peu de temps après avoir hérité de son grand-père maternel. Il ne dit rien de l'itinéraire qu'il se proposait de suivre, mais il promit à ses parents de leur écrire souvent et longuement. En juin, le jeune homme s'embarqua à destination de Liverpool avec la bénédiction de son père et de sa mère qui l'accompagnèrent jusqu'à Boston. Des lettres les informèrent bientôt qu'il avait fait une bonne traversée et s'était installé dans un appartement confortable de Great Russell Street, à Londres, où il avait l'intention de rester jusqu'à ce qu'il eût épuisé les ressources du British Museum. Il ne disait pas grand-chose de sa vie quotidienne, car il n'avait vraiment pas grand-chose à dire. Il consacrait tout son temps à l'étude et avait installé un laboratoire dans une pièce de son logement. En juin 1924, il annonça son départ pour Paris, où il s'était déjà rendu 2 ou 3 fois en avion pour consulter des documents à la Bibliothèque nationale. Pendant les 3 mois suivants, il se contenta d'envoyer des cartes postales, donnant une adresse dans la rue Saint-Jacques, et mentionnant qu'il faisait des recherches dans la bibliothèque d'un collectionneur de manuscrits rares. En octobre, après un long silence, une carte de Prague apprit aux Ward que Charles se trouvait dans cette ville pour s'entretenir avec un très vieil homme qui était censé posséder de très curieux documents médiévaux. En janvier, plusieurs cartes de Vienne mentionnèrent qu'il s'apprêtait à gagner une région plus à l'est où un de ses correspondants l'avait invité. De Klagenfurt, en Transylvanie, il écrivit qu'il allait rejoindre un certain baron Ferenczi, dont le domaine se trouvait dans les montagnes à l'est de Racus. Une semaine plus tard, il annonçait que la voiture de son hôte était venue le prendre au village et qu'il partait pour le château. À dater de ce jour, il observa un silence complet. Il ne répondit pas aux nombreuses lettres de ses parents jusqu'au mois de mai, et à ce moment-là, ce fut pour faire savoir à sa mère qu'il devait renoncer à le rencontrer à Paris, à Londres ou à Rome, au cours d'un voyage en Europe, que les Ward avaient l'intention de faire pendant l'été. Ses recherches, disait-il, étaient d'une telle nature qu'il ne pouvait quitter sa résidence actuelle, et d'autre part, l'emplacement du château de son hôte ne favorisait guère les visites. Il se trouvait perché sur un roc escarpé au milieu d'une forêt, et les gens du pays évitaient d'en approcher. En outre, l'aspect et les manières du baron risquaient fort de déplaire à d'honnêtes bourgeois de la Nouvelle-Angleterre, et il était d'un si grand âge qu'il inspirait une espèce d'inquiétude. Il valait mieux, concluait Charles, que ses parents attendent son retour à Providence. En mai 1925, le jeune voyageur entra dans le port de New York à bord de Homeric. Il gagna ensuite sa ville natale en autocar et tout le long du trajet, il contempla avec délices les collines ondulées, les vergers en fleurs et les villes au blanc clocher du Connecticut. Quand le véhicule, au terme d'un après-midi ensoleillé, entra dans Providence en suivant Elmwood Avenue, le cœur de Charles Ward se mit à battre violemment. Au croisement de Broad Street, Wilbosset Street et Empire Street, il vit au-dessous de lui les maisons, les dômes et les clochers de la vieille ville, baignés dans la lumière du crépuscule. Il fut pris d'une sorte de vertige lorsque l'autocar s'arrêta au terminus, derrière le Biltmore, révélant au regard sous l'autre berge de la rivière l'antique colline ronde couverte d'un doux manteau de verdure. Devant ce spectacle, le jeune homme se sentit plein d'amour pour l'antique cité de Providence. C'étaient les forces mystérieuses de sa longue histoire qui avaient fait de lui ce qu'il était, qui l'avaient entraîné en arrière vers des merveilles et des secrets auxquels nul prophète ne pouvait assigner de limite. Un taxi l'emmena tout à l'heure en direction du nord et s'arrêta enfin devant le porche de la grande maison de briques où il était né. Le soleil allait disparaître. Charles Dexter Ward était de retour au logis. Une école d'aliénistes, moins académique que celle du docteur Lyman, prétend que le début de la vraie folie de Ward date de son voyage en Europe. En admettant qu'il fût sain d'esprit lors de son départ, sa conduite à son retour montre un changement désastreux. Mais le docteur Willett repousse cette théorie. Il attribue les bizarreries du jeune homme à la pratique de certains rites appris à l'étranger, sans admettre pour autant que ce fait implique une aberration mentale de la part de l'officiant. Ward, bien qu'il parût nettement plus âgé, avait encore des réactions normales. Au cours de plusieurs conversations avec Willett, il fit preuve d'un équilibre que nul démon n'aurait pu feindre pendant longtemps. Si l'on put croire à la folie à cette époque, ce fut à cause de ce qu'on entendait à toute heure dans le laboratoire où le jeune homme passait le plus clair de son temps. Il y avait des chants psalmodiés et des déclamations tonitruantes sur des rythmes étranges. Et bien que ce fût la voix de Ward qui proféra ces sons, on discernait dans ses accents une qualité surnaturelle qui glaçait le sang dans les veines des auditeurs. On observa que Nig, le vénérable chat du logis, hérissait son poil et faisait le gros dos lorsqu'il entendait certaines intonations. Les odeurs émanant parfois du laboratoire semblaient, elles aussi, fort étranges. Parfois pestilentielles, elles étaient le plus souvent aromatiques et paraissaient posséder le pouvoir de faire naître des images fantastiques. Les gens qui les sentaient voyaient le mirage d'énormes perspectives avec d'étranges collines ou d'interminables avenues de sphinx et d'hippogriffes. Ward ne recommença pas ses promenades d'autrefois, mais s'absorba dans les livres qu'il avait rapportés de ses voyages. Il expliqua que les sources européennes avaient considérablement élargi les possibilités de sa tâche, et il promit de grandes révélations pour les années à venir. Le vieillissement de son visage accusait d'une façon frappante sa ressemblance avec le portrait de Joseph Curwen, et le docteur Willett, au terme de chacune de ses visites à Charles Ward, songeait avec stupeur que la petite cicatrice au-dessus de l'œil droit du portrait était la seule différence entre le sorcier défunt et le jeune homme vivant. Ces visites, faites par le praticien à la requête des parents de Charles, avaient un caractère assez curieux. Ward ne repoussait pas le médecin, mais ce dernier comprenait fort bien qu'il ne pourrait jamais connaître la psychologie du jeune homme. Il observait souvent d'étranges choses dans la pièce, petites figurines de cire sur les tables ou les rayonnages, traces de cercles, de triangles et de pentagrammes, dessinés à la craie ou au fusain au centre du plancher. Et toutes les nuits, on entendait retentir les incantations tonitruantes, si bien qu'il devint très difficile de garder des domestiques ou d'empêcher de murmurer que Charles Ward était fou. Un soir de janvier 1927, vers la minuit, alors que le jeune homme psalmodiait un rituel, dont la cadence fantastique résonnait dans toute la maison, une rafale glacée souffla de la baie, et la terre trembla légèrement. En même temps, le chat manifesta une terreur extraordinaire et les chiens aboyèrent à 1000 à la ronde. Ce fut le prélude d'un violent orage, tout à fait anormal pour la saison, ponctué de coups de tonnerre si formidables que Mr. et Mrs. Ward crurent un moment que la maison avait été touchée. Ils montèrent l'escalier 4 à 4 pour voir s'il y avait eu des dégâts. Mais Charles sortit de sa mansarde à leur rencontre, son visage blême, empreint d'une expression triomphante. Il leur affirma que la maison était intacte et que l'orage serait bientôt fini. Ayant regardé par une fenêtre, ils constatèrent que le jeune homme avait raison. Les éclairs s'éloignèrent de plus en plus, les arbres cessèrent de se courber sous le vent glacé venu de la mer. Le fracas du tonnerre diminua et s'éteignit, les étoiles se montrèrent dans le ciel. Pendant les 2 mois qui suivirent cet incident, Charles Ward s'enferma beaucoup moins dans son laboratoire. Il sembla porter un curieux intérêt au temps et s'informa de la date à laquelle le sol allait se dégeler au printemps. Par une nuit de mars, il quitta la maison après minuit et ne rentra qu'un peu avant l'aube. À ce moment, sa mère, qui souffrait d'insomnie, entendit un moteur s'arrêter devant l'entrée réservée au véhicule. S'étant levée et ayant gagné la fenêtre, Mrs. Ward vit quatre silhouettes sombres, commandées par son fils, décharger d'un camion une longue et lourde caisse qu'elles transportèrent dans la maison. Puis elle entendit des pas pesants sur les marches de l'escalier et finalement un bruit sourd dans la mansarde. Ensuite, les pas descendirent, les quatre hommes réapparurent à l'extérieur et s'éloignèrent de leur camion. Le lendemain, Charles s'enferma dans la mansarde. Après avoir tiré les rideaux noirs de son laboratoire, il s'absorba dans une expérience sur une substance métallique. Il refusa d'ouvrir la porte à qui que ce fût et ne prit aucune nourriture. Vers midi, on entendit un bruit sourd, suivi par un cri terrible et une chute. Néanmoins, quand Mrs. Ward eut frappé à la porte, son fils lui déclara d'une voix faible que tout allait bien. La hideuse puanteur qui s'échappait de la pièce était inoffensive et malheureusement nécessaire. Il fallait absolument le laisser seul pour l'instant, mais il irait déjeuner un peu plus tard. Au début de l'après-midi, il apparut enfin, pâle et hagard, et interdit qu'on pénétrât dans le laboratoire sous aucun prétexte. Par la suite, personne ne fut jamais autorisé à visiter la mystérieuse mansarde, ni la pièce de débarras adjacente qu'il aménagea sommairement en chambre à coucher. C'est là qu'il vécut désormais jusqu'au jour où il acheta le bungalow de Pawtuxet et y transporta tous ses appareils scientifiques. Ce soir-là, Charles s'empara du journal avant tout le monde et en détruisit une partie en simulant un accident. Plus tard, le docteur Willett, ayant déterminé la date exacte d'après les déclarations des différents membres de la maisonnée, se procura un exemplaire intact du journal abîmé et il lut l'article suivant. Fossoyeur nocturne surpris dans le cimetière. Robert Hart, veilleur de nuit au cimetière du Nord, a découvert ce matin un groupe de plusieurs hommes dans la partie la plus ancienne du champ de repos, mais il semble qu'ils se soient enfuis à sa vue avant d'avoir accompli ce qu'ils se proposaient de faire. L'incident eut lieu vers les 4 heures. L'attention de Hart fut attirée par le bruit d'un moteur non loin de son abri. Après être sorti, il vit un gros camion dans l'allée principale et se hâta dans sa direction. Le bruit de ses pas sur le gravier donna l'éveil aux visiteurs nocturnes qui placèrent vivement une lourde caisse dans le camion et gagnèrent la sortie sans avoir été rattrapés. Aucune tombe connue n'ayant été violée, Hart estime que ces hommes voulaient ensevelir la caisse. Ils avaient dû travailler longtemps avant d'être découverts, car Hart trouva un énorme trou creusé dans le lot d'Amosa Field où presque toutes les vieilles stèles ont disparu depuis longtemps. La cavité, aussi grande qu'une tombe, était vide et ne coïncidait avec aucun enterrement mentionné dans les archives du cimetière. L'inspecteur de police Riley, après avoir examiné l'endroit, a déclaré que le trou avait dû être creusé par des bootleggers qui cherchaient une cachette sûre pour leur alcool de contrebande. Hart croit avoir vu le camion remonter l'avenue Rochambeau, mais il n'en est pas absolument sûr. Au cours des jours suivants, Charles Ward se montra rarement à sa famille. Il s'enferma dans sa mansarde et fit déposer sa nourriture devant la porte. De temps à autre, on l'entendait psalmodier des formules monotones, ou bien on percevait des bruits de verre heurtés, de produits chimiques sifflants, d'eau courante, de flammes de gaz rugissantes. Des odeurs impossibles à identifier émanaient parfois de la pièce, et l'air extrêmement tendu du jeune homme, quand il lui arrivait de sortir de son domaine, suscitait les hypothèses les plus diverses. Ses parents et le docteur Willett ne savaient absolument plus que faire ni que penser. Le 15 avril, un étrange incident se produisit. C'était un vendredi saint, détail auquel les domestiques attachèrent une grande importance mais que beaucoup d'autres considérèrent comme une simple coïncidence. Tard dans l'après-midi, le jeune Ward commença à répéter une formule d'une voix étonnamment forte, tout en faisant brûler une substance à l'odeur si âcre qu'elle se répandait dans toute la maison. Les mots prononcés étaient si nets que Mrs. Ward, qui écoutait avec anxiété dans le couloir de la mansarde, ne put s'empêcher de les garder dans sa mémoire. Par la suite, elle fut incapable de les écrire sur la demande de Dr. Willett. Les experts apprirent à ce dernier qu'une formule à peu près identique se trouve dans les écrits d'Eliphas Lévy, qui jeta un coup d'œil par une fente de la porte interdite et aperçut les terribles perspectives du vide qui s'étend au-delà. En voici la teneur. Père Adonai Elohim, Adonai Jéhovah, Adonai Sabaoth, Metraton ou Agla Meton, Verbum Pythonicum Mysterium Salamandrae, Conventus Silverum Antragnonorum, Daemonica Culligord, Almunsin, Gibor, Geosia, Evam, Zariat Namik, Veni, Veni, Veni. Cela durait depuis 2 heures sans la moindre interruption lorsqu'un formidable concert d'aboiements de chiens résonna dans tout le voisinage. Presque aussitôt la maison fut envahie par une odeur effroyable, tandis qu'un éclair fendait le ciel. Enfin résonna la voix qu'aucun des auditeurs ne pourra jamais oublier, cette voix tonitruante, lointaine, incroyablement profonde et tout à fait différente de celle de Charles Dexter Ward. Elle fit trembler la maison, et deux voisins l'entendirent au milieu du vacarme des chiens. Mrs. Ward, toujours écoute devant la porte du laboratoire, frissonna en comprenant sa diabolique signification, car son fils lui avait raconté comment elle avait retenti, s'il fallait en croire les lettres de Luke Fanner, au-dessus de la ferme de Pawtuxet Road, la nuit de la mort de Joseph Gorwen. Elle ne pouvait se tromper sur la phrase prononcée que Charles lui avait souvent citée à l'époque où il parlait franchement de ses recherches. C'était un simple fragment d'une langue oubliée. « Dis mies jeset boen doesef »« Duvema enitet amous » Aussitôt après, la lumière du jour s'assombrit bien qu'on fût à 1 heure du crépuscule. Puis vint une bouffée d'odeur différente de la première, mais tout aussi mystérieuse et intolérable. Charles s'était remis à psalmodier, et sa mère entendit une série de syllabes que l'on peut figurer ainsi « Yenash, Yoxototh, Yiglib, Fisrodag » se terminant par « Ya », dont la force démentielle monta en un crescendo terrifiant. Une seconde plus tard, retentit un cri plaintif qui se transforma peu à peu en un rire diabolique. Mrs. Ward, poussée par la crainte et le courage aveugle de son cœur de mère, alla frapper à la porte, mais n'obtint pas de réponse. Elle frappa de nouveau, puis resta immobile, tandis que montait un deuxième cri, poussé par son fils cette fois, et qui résonna en même temps que les ricanements de l'autre voix. Elle s'évanouit presque aussitôt, bien qu'elle soit incapable aujourd'hui de se rappeler pour quel motif précis. Lorsque Mr. Ward rentra chez lui à 6h15, il ne trouva pas sa femme au rez-de-chaussée. Les domestiques effarés lui dirent qu'elle devait être dans le couloir de la mansarde, d'où avaient émané des sons encore plus étranges que de coutume. Il monta aussitôt l'escalier et trouva Mrs. Ward étendue de tout son long sur le plancher devant la porte du laboratoire. Se rendant compte qu'elle était évanouie, il alla chercher un verre d'eau et lui jeta le contenu au visage. Il fut réconforté de la voir aussitôt revenir à elle. Mais tandis qu'il la regardait ouvrir des yeux stupéfaits, il fut parcouru par un frisson glacé et faillit perdre connaissance à son tour. En effet, dans le laboratoire qu'il avait cru tout d'abord silencieux, il entendait le murmure d'une conversation à voix très basse, dont il ne pouvait saisir les paroles, et qui pourtant le bouleversait jusqu'au fond de l'âme. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que son fils marmonnait des formules, mais à présent, ce murmure paraissait tout différent. Il s'agissait très nettement d'un dialogue, dans lequel la voix de Charles, aisément reconnaissable, alternait avec une autre, si grave et si caverneuse, qu'il était difficile d'admettre qu'elle pût sortir du gosier du jeune homme. Elle avait des intonations singulièrement hideuses, et si Mrs. Ward, en revenant à elle, n'avait pas poussé un cri qui éveilla dans l'esprit de son mari ses instincts protecteurs, il est probable que Thomas Howland Ward n'aurait plus pu s'en vanter de n'avoir jamais perdu connaissance. En l'occurrence, il prit sa femme dans ses bras et descendit rapidement l'escalier avant qu'elle pût remarquer les voix qui venaient de le bouleverser. Cependant, il ne fut pas assez prompt pour ne pas entendre une chose qui le fit chanceler dangereusement sous le poids de son fardeau. Car le cri de Mrs. Ward avait été entendu par d'autres que lui, et en réponse, en avait prononcé 2 mots dans le laboratoire, les seuls mots intelligibles de cet effroyable colloque. C'était une simple exhortation à la prudence, murmurée par Charles, et pourtant, elle inspira à Mr. Ward une mystérieuse terreur quand il entendit ces 2 paroles très banales. « Chut !» Écrivez. Au dîner, les 2 époux eurent un long entretien et Mr. Ward décida de parler fermement à son fils cette nuit même. Quel que fût l'objet de ses recherches, on ne pouvait tolérer plus longtemps une telle conduite qui constituait une menace contre l'équilibre nerveux de toute la maisonnée. Le jeune homme devait avoir perdu l'esprit pour pousser des cris pareils et poursuivre une conversation imaginaire avec un interlocuteur inexistant. Il fallait mettre un terme à tout cela, sans quoi Mrs. Ward tomberait malade et on ne pourrait plus garder de domestique. Le repas terminé, Mr. Ward se mit en devoir de gagner le laboratoire de Charles. Mais il s'arrêta au troisième étage en entendant des bruits provenant de la bibliothèque dont son fils ne se servait plus depuis un certain temps. Selon toute apparence, on jetait des livres sur le parquet et on froissait fébrilement des papiers. En arrivant sur le seuil de la porte, Mr. Ward vit le jeune homme à l'intérieur de la pièce en train de rassembler une énorme brassée de documents de toute taille et de toute forme. Charles avait le visage hagard, les traits tirés. Il sursauta et laissa tomber son fardeau en entendant la voix de son père. Celui-ci lui ordonna de s'asseoir et lui infligea le blâme qu'il méritait depuis si longtemps. Quand le sermon eut pris fin, le jeune homme convint que Mr. Ward avait raison, que ses voix, ses murmures, ses incantations, ses odeurs chimiques étaient vraiment intolérables. Il promit de se montrer plus discret à l'avenir, mais insista pour que sa solitude continuât d'être respectée. Il allait se consacrer maintenant à des recherches purement livresques. En outre, il trouverait un autre logement pour prononcer les invocations rituelles qui pourraient être nécessaires par la suite. Il se montra navré d'avoir causé une telle peur à sa mère et expliqua que la conversation entendue par son père faisait partie d'un symbolisme compliqué destiné à créer une certaine atmosphère mentale. Malgré l'état d'hypertension nerveuse de son fils, Mr. Ward eut l'impression qu'il jouissait de toutes ses facultés. Par contre, l'entretien ne lui apporta guère d'éclaircissement. Lorsque Charles eut quitté la pièce en emportant ses documents, son père ne sut guère que penser de toute cette affaire. Elle était aussi mystérieuse que la mort du pauvre Nig, dont on avait découvert le cadavre dans le sous-sol une heure auparavant, les yeux révulsés, la gueule tordue par l'épouvante. Sous l'impulsion d'un instinct obscur, Mr. Ward jeta un coup d'œil sur les rayonnages vides pour voir ce que son fils avait emporté dans la mansarde. Il fut tout surpris de constater qu'il s'agissait uniquement d'ouvrages modernes, histoires, traités scientifiques, géographiques, manuels de littérature, ainsi que certains journaux et magazines contemporains. Comme Charles n'avait lu jusqu'alors que des livres traitant du passé ou d'occultisme, Mr. Ward se sentit en proie à une perplexité grandissante. En outre, il éprouva un véritable malaise, car il lui semblait qu'il y avait une chose insolite dans la pièce. Il la parcourut du regard et vit qu'il ne s'était pas trompé. Contre le mur du nord, au-dessus de la fausse cheminée, se trouvait toujours le panneau de la maison d'Olnecourt. Mais le tableau restauré n'y figurait plus. Après s'être détaché du bois, le portrait de Joseph Kerwin avait abandonné pour jamais sa surveillance du jeune homme auquel il ressemblait si étrangement. Maintenant, il gisait sur le parquet sous la forme d'une mince couche de fine poussière d'un gris bleuâtre.